Lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo, 16 février 1841, mardi soir, 7h. Comme tu le dis, mon amour, c'est un bon préliminaire pour un anniversaire d'amour qu'une matinée de bonheur. Seulement, il ne faut pas que le prologue soit aux dépens de la pièce, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la matinée d'aujourd'hui empêche celle de demain. En général, c'est toujours aux dépens du lendemain que tu me donnes le « aujourd'hui », trop heureuse encore quand cela arrive une fois tous les 6 mois. J'ai passé mon temps, mon adoré, à chercher le livre de Sainte-Beuve, à laver tes linges, à compter le blanchissage, la dépense et enfin à t'écrire. Je ne suis pas encore débarbouillée, je ferais peur au diable s'il s'avisait de me vouloir regarder dans ce moment-ci. Je ne sais pas si ma fille vient ce soir ou demain. Je ferai dans tous les cas savoir au Lanvin de venir m'acheter du bois, car je n'en ai plus que pour 2 jours, tout au plus. Je crains bien, mon pauvre Toto, de n'avoir pas le livre en question. Je n'ai pas souvenir de l'avoir jamais eu en ma possession, quoique je me souvienne parfaitement de ta biographie. Je n'ai pas non plus le livre de Mary, et je suis sûre que jamais un morceau de papier ne s'est égaré chez moi depuis 8 ans. J'ai quelques idées vagues que tu l'as emporté dans le temps, ce volume, pour des renseignements dont tu avais besoin. Au surplus, je ne l'affirme pas, mais ce que j'affirme, c'est qu'il n'est pas dans ma grande malle et qu'il ne s'est pas perdu chez moi, et puis bien d'autres choses encore, que je vous aime, que je vous adore, et que vous êtes mon bien-aimé. Voilà ce qui est sûr et ce qui ne se perdra ni ne s'égarera jamais dans ma mémoire ni dans mon cœur. Juliette. 17 février 1841, mercredi matin, 10h15. Bonjour, mon cher bien-aimé. Bonjour, mon Toto chéri. Bonjour, mon cher adoré. C'est aujourd'hui, mon Toto, c'est ce soir qu'il y aura 8 ans que nous nous aimons. J'espérais que tu viendrais ce matin. Maintenant, j'espère que tu viendras ce soir en l'honneur du jour, de la date et de l'heure. Je voudrais déjà qu'il fît nuit. Je ne sais pas si tu trouveras encore une page blanche pour écrire sur le livre d'anniversaire, mais dans tous les cas, nous en prendrons un autre. Ce n'est pas plus embarrassant que ça. L'amour peut se mettre en plusieurs volumes, comme le génie. Quant au mien, tous les livres et toutes les bibliothèques du monde ne pourraient pas le contenir. Jour, Toto, jour, mon cher petit, oh, je t'aime de toute mon âme. Je vais joliment m'amuser à copier tout ce que vous m'avez écrit depuis 8 ans. Malheureusement, c'est bien peu, et vous avez été ou bien paresseux, ou bien avare de votre temps, de votre génie et de votre cœur, pour m'en avoir donné si peu depuis si longtemps. Dès que je n'aurai plus mon ouvrière, je commencerai. Je crois que ma fille vient ce soir, cependant je n'en suis pas sûre. Tu m'as promis, mon cher petit homme, de tâcher de nous mener ensemble à mon pauvre père. Tu me feras bien plaisir si tu peux réaliser ta promesse. En attendant, je t'aime, je te désire, je t'attends et je t'adore. Juliette. 17 février, mercredi soir, 6h15. Je vous vois bien peu, mon amour, pour un jour d'anniversaire. J'espère que vous me rabibocherez cette nuit. Au besoin, je vous y forcerai. Je ne plaisante pas quand il s'agit de mon bonheur. Entendez-vous, scélérat ? Vous auriez dû me donner une petite culotte, aujourd'hui, en l'honneur du 17 février, mais vous ne savez pas faire les choses comme il faut. Cependant, une bonne petite culotte, ce soir, m'aurait été comme un gant et m'aurait fait un fameux velours étendu sur mon 17 février. Enfin, vous ne l'avez pas voulu ou vous ne l'avez pas pu, ce qui revient au même, et je ne vous en veux pas. Mais je serai exigeante pour cette nuit. Tenez-vous ferme sur les étriers. L'attaque sera violente, je vous en préviens. Je ne veux pas, mon Toto, que tu te défies de ma discrétion dans rien. Je t'aime trop, mon adoré, pour me rendre jamais coupable de bavardage qui puisse te nuire ou te contrarier en quoi que ce soit. Depuis 8 ans, mon Toto, je t'ai donné assez de preuves de ma discrétion pour que tu ne doutes pas de moi à propos de... Maintenant, baise-moi, aime-moi et reviens-moi bien vite. Il paraît que ce n'est pas encore ce soir que vient Claire. Je ne te fais pas arranger tes cravates ce soir à cause de la lumière. Demain au jour, ce sera la première chose que fera Pauline. Et puis, je t'aime, mon adorée. Juliette. 18 février, jeudi matin, 11h30. Mon bien-aimé, mon Toto, mon adoré, quelles bonnes et ravissantes paroles tu m'as écrites sur mon cher petit livre rouge cette nuit. J'aurais voulu les dévorer et les boire. Je les baisais des yeux, des lèvres et de l'âme. Je les admirais, je les caressais, je les adorais. Je voulais passer la nuit dans cette contemplation, mais j'ai craint de t'inquiéter dans le cas où tu aurais vu de la lumière trop tard dans ma chambre. Et puis, j'espérais que tu allais venir, mon bien-aimé. C'est ce qui m'a donné le courage de me séparer de mon livre d'amour pour le reste de la nuit. Quand je dis me séparer, c'est une manière de parler, car je l'ai mis sous ma tête et ma main sous mon oreiller. Je le touchais des doigts et ma pensée et mon cœur, mon âme était restée sur la page de flamme. Pourquoi n'es-tu pas revenu, mon adoré? C'était pourtant la plus grande solennité de notre vie d'amour, la plus grande, la plus sainte. Mon adoré, pourquoi donc n'es-tu pas revenu pour la fêter? Je sais bien que tu travailles, mon Toto chéri, mais tu pouvais peut-être ajourner ton travail, tandis que le 17 février s'est envolé pour un an. Je ne veux pas te gronder, mon amour, sans savoir si tu n'as pas été retenu par des raisons sérieuses ou tristes. Je t'aime, je t'attends, je te désire et je t'adore. Tâche de venir bien vite auprès de moi, mon adoré. Si tu peux me conduire chez mon père, je ne serai pas longtemps à m'habiller. En attendant, je vais relire tes adorables pages de cette nuit et les baiser depuis le haut jusqu'en bas, à chaque ligne, à chaque mot, à chaque lettre. Je t'aime, Juliette. 18 février, jeudi soir, 6h30. Merci, mon bien-aimé. Merci, mon doux et ravissant petit homme. Tu es aussi bon que tu es beau. Je t'adore. Notre 17 et 18 février a été bien fêté, à part une certaine cérémonie, la plus importante tout bonnement, que vous avez escamotée avec beaucoup d'adresse et d'esprit. Il est impossible d'être plus anniversaire et plus charmant que vous aujourd'hui. Mais ce qui est différé ne doit pas être perdu. Et j'entends que vous me rendiez ma matinée cette nuit même, où je me fâche, tout rouge. Vous entendez? Baisez-moi et taisez-vous. Je suis tout de même un peu vexée du fameux couvercle écrabouillé. Je n'avais acheté la soupière que pour son couvercle, et c'est justement ce qui a été brisé. Quel bonheur! J'aime encore mieux que ce soit lui que le Saint-François. Ma philosophie et ma tendresse maternelle auraient été à une violente épreuve si ma Clairon m'avait fait cet abominable chef-d'œuvre sur ma statuette. Quelle horreur! D'y penser, j'en ai la chair de poule. Dieu soit loué de ne m'avoir pas mise à une pareille épreuve. Sur ce, baisez-moi et apprêtez-vous à revenir cette nuit m'apporter le reste de mon 17 février 1841. Je vous aime, Juliette. 19 février, vendredi, midi trois quarts. Bonjour, mon cher bien-aimé. Bonjour, mon cher petit homme. Je ne me plains pas, mais tu sais si je dois être triste de cette absence obstinée. Je viens de copier entièrement la biographie de ton père. J'y ai mis tous mes soins. J'espère que je n'aurai pas fait trop d'omissions ou trop de bévues. Claire est auprès de mon lit, qui découd toujours le fameux manteau. Nous n'avons pas encore déjeuné. Je me dépêche tant que je peux, dans l'intérêt de l'estomac de cette pauvre Clairon qui doit avoir une faim d'enragée. Si tu viens me chercher pour aller voir mon père, tâche que ce ne soit pas trop tard, afin que je puisse au moins passer une robe et arriver avant les portes fermées. Je me couche toutes les nuits bien tard, mon adoré. C'est ce qui fait que je me réveille tard. Voilà pourquoi il m'est plus difficile qu'à une autre d'être prête à sortir après midi, parce qu'il faut que je trouve moyen de faire, dans une couple d'heures, l'ouvrage de toute la journée. Vous devez convenir de cela si vous êtes juste, et en vérité, je ne sais pas si vous l'êtes jamais avec moi. Je ne suis pas très contente de vous, ni très émerveillée, quoique vous m'ayez écrit les deux pages les plus ravissantes du monde, et que vous m'ayez dit hier que j'étais très spirituel. Vous auriez pu ajouter que j'avais un très bon caractère pour ne pas me fâcher de plaisanteries aussi amères. Je vous pardonne vos épigrammes, mais ce que je ne vous pardonne pas, ce sont vos absences. Je vous aime trop, scélérat. Juliette. 19 février, vendredi soir, 6h30. C'est toujours la même chose pour moi, mon Toto. Le soir, le matin, par la pluie ou le beau temps, je suis toujours seule, et vous toujours ailleurs que chez moi. Ce n'est pas nouveau, mais ça n'est pas consolant, comme beaucoup d'autres choses de ce genre. Enfin, pour occuper mes loisirs, je brosse, je frotte, je repasse, je lave, je découds tous mes haillons les uns après les autres, et je trouve moyen de n'avoir pas le temps de me débarbouiller et de m'habiller. Je voudrais bien que la même recette puisse servir pour le cœur. Il ne serait pas si triste ni si désœuvré pendant vos éternelles absences. Hélas ! La mère Pierceaux n'a fait que se reposer quelques minutes après toi, pendant lesquelles je lui ai fait tailler un patron. Rien n'est perdu avec moi, j'utilise tout, c'est-à-dire non pas tout, car j'ai un scélérat d'amour dont je ne sais que faire et qui se perd sans profit pour personne. J'ai oublié de te dire tantôt, mon adoré, que j'avais copié la biographie de ton père. Ce soir, je te dirai quelque chose au sujet de ton jabot et de tes manchettes de réception. En attendant, je te dis que tu es un scélérat d'homme et que tu mériterais des calottes. Je t'aime trop. Voilà, Juliette. 20 février, samedi, 12h30. Bonjour, mon Toto adoré. Bonjour, mon cher bien-aimé. J'ai envoyé Claire au bois avec la mère Lanvin, qui s'est forcée pour venir, sachant que son mari ne s'y connaît pas du tout. Il est convenu que Claire restera jusqu'à lundi, mais il faudra que nous la reconduisions nous-mêmes, parce que Lanvin ne peut pas se dispenser d'aller à son imprimerie le matin et que la mère Lanvin est vraiment bien souffrante. Ainsi c'est convenu, mon cher bien-aimé, nous gardons Clarinette un jour de plus. Monsieur Pradier n'a pas encore donné l'argent. Mais il le promet toujours. J'ai dit tout à l'heure à la mère Lanvin que je lui donnerais les reconnaissances et l'argent pour le 24 de ce mois à emporter afin de leur épargner une course indispensable. J'espère, mon adoré, que la presse fut fait no fin passée, tu me donneras mes jours gras. Les miens ont été si maigres tout ce temps-ci que j'ai besoin d'un fameux rabibochage pour ne pas jeter le manche après la cognée. Je t'aime, mon Toto adoré, je t'aime, mon ravissant petit homme. C'est ce qui me fait trouver le temps si long et si maussade quand tu n'es pas avec moi. Baise-moi, mon pauvre amour, baise-moi, mon cher bien-aimé. Je te désire de toute mon âme, mon cher, cher bien-aimé. Juliette. 20 février, samedi soir, 6h. Mon bois est rentré, mon Toto. Madame Lanvin est partie et je ne vous ai pas encore vu de la journée. C'est bien long et bien triste. J'ai fait acheter 26 marcotins, ainsi que vous le désiriez l'autre fois, et j'en ai eu tout, bois, fagots et commissionnaire, pour 44 francs 15 sous. C'est bien cher, n'est-ce pas, mon pauvre petit homme? J'ai donné les 100 francs du Mont-Piété à Madame Lanvin. J'ai payé l'ouvrière et la provision d'aujourd'hui et de demain, mais j'ai été forcé de prendre 5 francs sur les 100 francs de réserve. Pour peu que tu laisses cet argent à la maison 2 ou 3 jours de plus, tu n'en retrouveras plus. À propos, pendant que j'y pense, je te dirai que j'ai donné à la mère Lanvin les 2 ravissants flacons chinois qui étaient sur ma toilette. Tu dois te souvenir que c'est à ton instigation, car il y a 2 ans ou 1 an, tu voulais absolument que je les lui donnasse, et j'ai courageusement résisté. Enfin, tantôt, pour la récompenser d'être venue m'acheter mon bois, toute malade qu'elle était, je lui ai donné ces femmes flacons. Si j'ai mal fait, c'est votre faute. Ne vous en prenez qu'à vous. En attendant, je reste là à voir tourner mon ombre sur mes pieds, sans flacons, sans Toto. Et sans bonheur. Juliette. 21 février, dimanche matin, 11h. Bonjour, mon cher petit aimé. Bonjour, mon adoré petit homme. Pour vous faire plaisir cette nuit, espérant que vous reviendriez, j'ai ôté ma pauvre chemise de pièces et de morceaux qui paraissaient vous offusquer. mais rien ne peut vous décider à revenir auprès de moi une fois que vous êtes parti. Cette phrase ressemble beaucoup à celle-ci. Je ne prends jamais rien à jeun, mais vous me tournez tellement l'esprit que je ne sais vraiment plus ce que je dis. Je voulais dire qu'une fois dehors de chez moi, vous avez toutes les peines du monde à y revenir. Allons bon, voilà que je viens de renverser l'encrier sur mon drap. Quelle noirceur ! Je suis furieuse. Cela va me coûter au moins un sou de sel d'oseille. C'est hideux. Quand je vous dis que vous êtes cause de tous mes malheurs, je ne me trompe pas, j'espère. J'ai les mains pleines d'encre, je suis dans un état hideux et je bisque de toutes mes forces. Si vous étiez là, je crois que je vous arracherais les yeux à force de les baiser. Je suis dans une fureur dont rien n'approche. Taisez-vous, je vous dis que vous m'exaspérez. Claire est à la grand-messe. Nous déjeunerons dès qu'elle sera revenue. Si tu viens nous prendre pour nous mener aux Invalides, tâche que ce ne soit pas si tard qu'à l'ordinaire, que nous ayons le temps de passer une robe. Mon Toto chéri, je te vois si peu que je suis triste et découragée au fond de l'âme, quoique je fasse tous mes efforts pour paraître gaie, résignée. Quand donc te verrai-je, mon cher bien-aimé adoré ? Je t'aime, Juliette. 21 février, dimanche soir, 4h15. Mon cher petit bijou d'homme, nous étions sous les armes de très bonne heure, espérant que peut-être le beau temps vous engagerait, sinon à nous mener aux Invalides, du moins dans un endroit quelconque où nous aurions pu respirer et jouir d'un rayon de soleil. Notre espoir était peu fondé et nous avons gardé la maison, comme toujours. Cependant, dans le cas où votre belle ardeur d'hier au soir vous reprendrait aujourd'hui à la même heure, nous accepterions avec enthousiasme, car nous sommes parfaitement habillés et très disposés à profiter de ce que vous daignerez nous offrir et avec furie encore. Je ne sais pas, mon cher bien-aimé, si tu remarques combien de fois les mots « j'espérais »,« espérant », »,« dans l'espoir », »,« avec l'espérance », »,« j'espère », »,« j'espérerai », se présente deux fois sous ma plume. C'est que ma vie tout entière se passe à espérer un bonheur bien rare, celui de te voir. Je sais bien, mon adoré, que tu travailles, je sais bien que tu es très occupé, très recherché et très entouré. Mais en conscience, est-ce que tu me donnes tout le temps que tu peux dérober aux choses indispensables ? Pour moi, il me semble que non, et c'est ce qui me fait trouver le temps encore plus long, plus lourd, plus insipide et plus insupportable. Je t'aime trop, Juliette. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net.